lorsqu'Allah Jalla wa Ala évoque sa personne en utilisant le pluriel. Question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle-t-il de lui-même dans le Saint-Coran en utilisant la forme plurielle? Comme lorsqu'il dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Pourquoi « nous » Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous en récompense par un bien. Réponse. Le Coran fut certes révélé en une langue arabe clairement compréhensible. Et il est une façon de parler en arabe que d'utiliser la forme plurielle pour une personne singulière, soit ayant des associés, ce qui implique le pluriel, qu'il y a plusieurs personnes, mais cela s'utilise aussi pour la personne unique, mais immense et aux nombreuses qualités, ce qui ici n'implique pas la pluralité de personnes, mais bel et bien une seule et unique personne qui est immense. En effet, dans son livre, Allah Ta'ala parle de sa personne tantôt en utilisant la forme singulière, comme lorsqu'il dit à Moussa, « Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi, Allah. » Point de divinité que moi. Adore-moi. Adore-moi donc, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et sa parole. Dis, il est Allah unique. Et sa parole. Et votre divinité est une divinité unique. Et tantôt, il évoque sa parole sous la forme du pluriel pour indiquer son immensité, subhana, et le nombre de ses noms et descriptions, comme dans le verset que vous avez cité. Il y a beaucoup d'autres cas semblables, comme par exemple sa parole. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et sa parole, en vérité, nous t'avons accordé El Kawthar. Et sa parole, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. Et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et la terre, nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée. Ceci n'indique non pas qu'il y ait plusieurs divinités, au contraire, il n'y a qu'une seule divinité, mais il, subhanah, a beaucoup de noms, et tous sont les plus beaux, et il a beaucoup de descriptions, qui sont toutes parfaites, et il est donc la vraie divinité et l'unique, et il n'a nul associé, et c'est lui le Très-Haut, l'immense, gloire à lui, il a transcendé.